Olga est malade. Elle va à la pharmacie et demande conseil au pharmacien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Que désirez-vous ? Eh bien, j'ai mal à la tête, mal à la gorge et j'ai le nez qui coule. Je crois que vous avez un rhume. En plus, je suis très fatiguée et je tousse beaucoup. C'est ça. Je vous donne un médicament contre le mal de tête et contre la fièvre, un sirop contre la toux et des pastilles pour la gorge. Je dois prendre combien de comprimés par jour ? 2 comprimés, 3 fois par jour, après les repas. Et pour le sirop, 1 cuillère après le petit déjeuner et 2 cuillères avant de vous coucher. Dans 2 ou 3 jours, vous irez mieux. Oh, merci, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur.